le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast du fan club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir encore pour cette nouvelle semaine où on va parler des Patriots, on va en débattre, on va analyser le match de la semaine et on va parler évidemment de la prévue de la semaine suivante. Mais pour m'accompagner ce soir, il est de retour Romain. Bonsoir Romain. Une semaine de Marcus Cannon. Bonsoir à tous. Pour nous accompagner également ce soir, Régis. Bonsoir Régis. Salut Cédric, salut Romain et bonsoir à tous. Au sommaire de cette émission, nous allons d'abord parler des petites news qu'il y a eu cette semaine autour des Patriots. Bien évidemment, par la suite, nous reviendrons sur le match face aux Cards. Je poserai des questions à des invités où on parlera de la taille, de la prestation de Jimmy notamment, de la ligne offensive et du chouchou de Romain, Marcus Cannon. Nous parlons évidemment aussi de la défense et nous terminerons l'émission par la preview de la semaine suivante et du match face aux Dolphins. Il me reste à vous souhaiter une bonne émission, le Fan Club français des New England Patriots épisode 15, c'est parti. Les news de cette semaine concernant les New England Patriots, on va commencer par la récompense de la semaine, joueur Special Team AFC, avec deux field goals de 47 et 53 yards. Stéphane Gostkowski remporte ce premier titre de la semaine. Sinon au niveau des Patriots, un petit cocorico avec le workout d'Anthony Dablé chez les Patriots. Alors messieurs, est-ce qu'on va avoir un Français chez les Patriots? Alors, déjà, pour revenir à la news précédente, c'est vrai qu'on avait perdu le petit Steven G dans le Colorado. Visiblement, on l'a retrouvé, donc c'est bien. Il est revenu voir son papa et sa maman et il a mis ses field goals cette fois-ci. Donc, j'ai envie de dire, pas surpris, parce que depuis des années, c'est quand même vraiment un des meilleurs kickers de la ligue. Maintenant, la question qui va se poser, et même pour lui, c'est est-ce qu'il sera capable de ne pas trembler quand ça comptera cette année? Donc maintenant, on va voir en play-off, mais je pense que d'ici là, on peut être relativement rassuré. Sur Dablé, moi, je trouve que c'est un receveur extrêmement intéressant puisqu'il a une combinaison entre sa taille, puisqu'il fait 6-4, c'est-à-dire, je crois, un 95 de mètre, quelque chose comme ça, et il a fait 4,49 au 40 yards, qui est quand même au 40 yard dash, qui est quand même très impressionnant pour sa taille. Donc il a quand même une espèce de combinaison physique que je pense qu'il doit être très intéressante pour les coachs. Après, il a 27 ans, donc la question c'est à quelle vitesse peut-il apprendre le playbook et à quelle vitesse peuvent-ils le faire progresser versus c'est pas un rookie de 22 ans non plus quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on a un petit peu chauvin hein, dans ces cas-là. C'est le seul Français à être en NFL. Donc en plus, s'il arrive chez nous, on est un peu fiers. Mais je voyais déjà que dans le practice squad, il y avait déjà deux receveurs. C'est vrai qu'il y a un avantage de taille pour lui, surtout que quand on voit les titulaires, Edelman, Amendola, c'est pas des grands gabarits. Donc se glisser une place dans le practice squad, pourquoi pas, mais je pense que le chemin est encore long pour lui, surtout qu'il y en a un des deux, Devin Lucien, qu'on a drafté cette année, donc je n'imagine pas trop Bill s'en séparer tout de suite, mais bon, pourquoi pas, et puis donc on verra bien, hein. Bon courage à lui en tout cas. En tout cas, on lui souhaite bon courage, que ce soit chez Patriots ou chez une autre équipe, parce que c'est un Français, on le soutiendra toujours. Autre nouvelle qui concerne indirectement les Pats, le cut de CJ Spiller des Saints. Alors messieurs, les Patriots l'avaient interviewé à l'intersaison dernière, avant qu'il signe chez les Saints. Est-ce que ça serait une bonne cible et une bonne recrue pour les Patriots. Alors, on ne sait jamais. Je veux dire, on n'est pas médecin, donc c'est très difficile d'évaluer notamment l'état physique d'un joueur. Maintenant, il a 29 ans, il sort de deux saisons extrêmement compliquées par les blessures. Moi, j'aurais tendance à penser qu'à cet âge-là et avec ce passif-là, je pense qu'il y a un problème physique qui fait qu'il ne peut pas revenir à son niveau qui était celui de 2012, où il avait fait une saison exceptionnelle avec Buffalo. Maintenant, effectivement, ça ne coûte rien d'y jeter un œil et de voir s'il peut nous apporter quelque chose. Après, je suis un peu d'accord avec toi, Romain. Après, j'imagine que s'il est coupé, il doit passer d'abord sur le waiver, donc on serait dans les derniers à pouvoir s'entretenir avec lui, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, mais je crois que c'est ça, sachant que le waiver c'est ouais, 24 heures, que ça fait 24 heures qu'il a été coupé, donc et personne ne l'a réclamé. Donc on verra après. Après, ça veut dire que si on le signe, va falloir faire du ménage dans l'effectif, et je suis pas sûr que Belichick ait envie de se séparer un joueur dès maintenant, en fait. Si d'ici 4-5 matchs, il n'avait pas la formule dans certains domaines, peut-être qu'il aurait peut-être fait appel à Spiller, enfin quelques aménagements. Là, je suis pas sûr qu'après un seul match, il a envie de tenter un coup avec lui. C'est toujours, on en parle parce que les Patriots étaient fortement intéressés par ce joueur. Oui, bien sûr. Oui. À partir de là, est-ce qu'il est forcément une signeront ? C'est une autre histoire. Et la dernière news de cette semaine, elle concerne. On l'espère, elle concernera, on l'espère, les Patriots. Lady Gaga est pressentie pour faire la mi-temps du Super Bowl. Alors, messieurs, une réaction, est-ce que Lady Gaga, ça vous plaît ? Alors, pour moi, la meilleure nouvelle pour Lady Gaga, c'est qu'on a échappé à Taylor Swift. Exact. Et en soi, c'est déjà pas mal. Maintenant, clairement, je pense que la plupart des fans de foot américains qu'on connaît, ils auraient préféré un bon gros groupe de métal et autres. Mais il ne faut pas oublier que la mi-temps du Super Bowl, c'est presque encore plus grand public que le match lui-même. Donc, ils sont souvent obligés de faire des profils comme ça à la Katy Perry, à la Lady Gaga, pour justement essayer d'avoir un maximum de gens. Et notamment, puisque le Super Bowl est un événement qui se regarde en famille là-bas, notamment pour les enfants, pour les femmes, etc. Donc, c'est pas totalement surprenant. Et puis je pense aussi que, étant donné que l'audience que ça a dans le monde entier, avec le décalage horaire, je pense qu'ils ont aussi besoin que l'artiste à la mi-temps captive encore l'attention pour garder des téléspectateurs en deuxième mi-temps. Donc je pense qu'il leur faut quelque chose d'international plutôt qu'un rock bien spécifique ou un artiste américain bien particulier. Donc au final, si elle fait partie des favoris, c'est pas une surprise. Écoutez, moi, messieurs, je vous trouve très dur avec Taylor Swift. Moi, j'aime bien, et un petit shake it off aurait pas fait de mal à la mi-temps du Super Bowl. Allez, maintenant, on passe tout de suite à la review du match face aux Cards. ...23-21, c'est la score de la victoire des New England Patriots face aux Cardinals d'Arizona. Alors, messieurs, première question avant même de parler des statistiques. Un mot sur cette victoire. Un mot, on va essayer de faire rapidement. C'est vrai que au début du match, il y a un peu toute l'excitation du début de saison, l'absence de Brady, etc. Il y a pas mal des nouvelles recrues, il y a pas mal de paramètres différents. Et puis c'est vrai qu'au vu du résultat, enfin moi honnêtement, je les mettais pas gagnants les Pats. Donc c'était une belle surprise de les voir l'emporter, surtout chez un favori. Après, je pense que les Cardinals c'était pas au top de leur forme. Nous non plus, je pense aussi. Mais bon, c'est un match de début de saison, donc il y a pas mal de choses à régler encore. Mais c'est vrai que pour la première titularisation de Garoppolo, je pense que c'est une victoire importante et nécessaire pour le mettre en confiance et puis bien lancer notre saison, quoi. Ouais, en fait, ce qui est assez intéressant dans ce match, c'est que finalement, on avait identifié, notamment la semaine dernière dans le pod, un certain nombre de faiblesses de notre équipe. Et en fait, je trouve qu'on n'a pas particulièrement rassuré sur ces faiblesses, et malgré tout, on a réussi à gagner. Donc, je ne sais pas trop ce que ça dit sur l'équipe, mais le fait est qu'on n'a pas été bien meilleur sur la ligne, on n'a pas été bien meilleur dans le running game, et pourtant, on les bat. Donc, on va y revenir tout à l'heure, mais du coup, c'est une victoire vraiment intéressante, quoi. Oui, c'est une victoire, bonne victoire quand même avec Garnier en Arizona, qui reste une des bonnes équipes de la NFL. Après, effectivement, comme tu l'as dit, Romain, Attention, c'est une victoire de prestige, mais on n'a pas forcément rassuré là sur les faiblesses qu'on aurait dû avoir. Donc ça sera, on va le disséquer par la suite. Hein. Petit tour rapidement sur les statistiques du match. Au niveau des yards, 363 pour les Patriots, 344 pour les Cardinals. Au niveau des first down notamment, on fait un 10 sur 16. Temps de possession équivalent à peu près entre les deux équipes. 33 minutes d'un côté pour les Pats, 26 de l'autre. Au niveau des stats individuelles, Jimmy finit avec un 24 sur 33, 264 et 1 TD. Palmer finit avec 24 sur 37, 271 et 2 TD. Au niveau de la course, c'est la Garrett Blunt chez les Pats avec 22 portées et 70 yards. En face, David Johnson finit avec 16 portées pour 89 yards. Et au niveau des receveurs, chez les Pats, c'est dominé par évidemment Edelman, Chris Hogan avec 66 et 60 yards, dont un TD pour Hogan. Et de l'autre côté, c'est Larry Fitzgerald qui finit avec 81 yards, Michael Floyd à 61 et encore David Johnson qui finit avec 43 yards. Alors, une des premières questions qui se posait évidemment pendant ce match, c'était la titularisation de Jimmy Garoppolo. Face à Tom, Jimmy a fait plutôt un match solide, malgré quelques fumbles. Alors messieurs, qu'avez-vous pensé de cette relève de Jimmy pour son premier match face à une défense qui était quand même solide des Cards ? Régis. Déjà, je pense qu'il sortait d'une pré-saison assez moyenne. Il n'y avait pas de quoi emmener large quand on a vu ses prestations. Et comme disait le président dans sa prédiction, au final, c'était pas tellement la victoire ou la défaite qui importait, parce qu'une défaite en première semaine chez un favori, ça aurait pas été honte. Mais c'était plus la prestation en lui-même de Garoppolo. Et je pense qu'il a rassuré tout le monde sur ce point-là. Moi, j'ai l'impression, quand je l'ai vu jouer, d'avoir vu un vétéran de 10 ans. C'est-à-dire qu'il a dégagé un calme incroyable. Il n'a pas du tout paniqué. Il a mené son attaque comme un vrai leader, un peu comme l'aurait fait Brady en vrai meneur d'hommes. Il a pris les bonnes décisions. Il n'a pas joué petit bras. Il a su prendre les risques quand il fallait. Il n'a pas fait que des passes de 4-5 yards. Et surtout, il a été décisif dans les moments importants, surtout sur les troisièmes tentatives. Et ça montre bien qu'il était à fond dans son match, bien concentré, et puis qu'il a pris la pleine mesure de l'attaque. Et puis en plus, je pense que le contexte n'était pas facile, parce que c'était un premier match de la saison, en plus en prime time. Donc je pense que les éléments étaient plutôt en sa défaveur au départ, et puis il a su prendre la mesure de son attaque, la mesure du match, et je pense que c'est de bon augure pour les trois matchs qui restent. Après, maintenant, le plus dur, hein, ce qu'on dit, c'est de confirmer. C'est vrai que s'il ne faudrait pas, avec une telle prestation, qu'il nous déçoive les deux prochains week-ends. Quoi. On l'attend un peu au tournoi, en fait. Ouais, Romain, ton avis sur ce Jimmy, c'est effectivement, comme le dit Régis, qui a montré une certaine sérénité, mais pour autant, est-ce qu'il a déjà atteint sa limite ou est-ce qu'il en a encore sous le pied et que c'est prometteur ? Alors, c'est prometteur parce que effectivement c'est bien meilleur, Régis tu l'as dit, c'est bien bien meilleur que ce qu'il a montré en pré-saison. À l'inverse par exemple de Dak Prescott pour Dallas qui lui avait fait une super pré-saison et qui a fait un premier match un peu bof. Je trouve que Jimmy a vraiment été à son meilleur. Après, je nuance un peu parce que effectivement les fumbles et parce que je pense qu'aussi une partie du mérite revient aussi à nos coordinateurs. Je pense notamment que McDaniels l'a vraiment accompagné, a eu un play call plutôt intelligent et a su en fait lui en demander juste assez pour le mettre en confiance, pas le mettre dans des situations de gros danger. Et ils avaient bien, enfin on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais je pense qu'ils avaient bien identifié les points faibles de cette défense et ils sont vraiment appuyés là-dessus pour creuser l'écart. Oui, effectivement, tu en parlais, Romain. Jimmy a fait un match solide, mais effectivement, les Cardinals, leur point faible, et surtout un point faible, ce qui a permis aussi à Jimmy de jouer souvent dans cette zone au niveau de la passe, c'est leur cornerback rookie, qui n'a pas vu le jour, et qu'on a totalement visé, on le voit même sur le premier touchdown de Chris Hogan, où il était complètement dans la rue, et si vous ne l'avez pas vu, regardez le 1 contre 1, c'est dommage. C'est limite s'il n'a pas fini sur une civière, hein, le corner. Tellement il a mis un double appui dans la vue, là, il lui a pris 5 mètres en peu de temps et on l'a plus revu après. Leur pauvre défense back. Donc non, c'est une prestation plutôt intéressante de Jimmy. Attends de voir par la suite. Attention quand même au bémol de Defend Ball, parce qu'en tant que quarterback, même si on se fait presser, même si on se fait saquer, il faut garder le ballon. D'ailleurs, il n'a pas été tant pressé que ça, parce qu'il n'a pris que 7 snaps sous pression. Certes, il a perdu 2 ballons, il a un doigt, mais il en a perdu qu'un seul. Un seul a été recouvert aussi par les pattes. Cette pression, ça veut dire que la ligne offensive a fait son job. Alors, évidemment, je vais laisser la parole au spécialiste de la ligne offensive et il va nous parler de son chouchou, Marcus Cannon. Alors, pour son premier match, il a quand même tenu Chandler Jones un petit peu, quand même. Il a été honnête, ce qui était beaucoup mieux que ce qu'on pouvait attendre, effectivement. Maintenant, voilà, c'est pas encore Anthony Munoz, hein. mais effectivement c'est une performance tout à fait honnête de la part de Cannon et objectivement c'est mieux que ce qu'il a montré l'an dernier. Ouais. C'est beaucoup mieux que ce qu'il a montré l'an dernier. Je suis tout d'accord avec toi, Romain. C'est vrai que quand on l'a prolongé il y a quelques temps, j'ai un peu crié au scandale aussi, mais c'est vrai que en sa faveur, c'est vrai qu'il a quand même sorti un bon match. Moi, j'avais le souvenir l'an dernier de son cadavre face à Von Miller. Je savais pas vraiment comment, même psychologiquement, il allait pouvoir s'en remettre, parce que là, il s'était vraiment fait humilier. Et je trouve qu'il a, enfin, les coachs ont vraiment dû faire un bon boulot avec lui, puisque il était bien dans son match. Il a rien fait d'exceptionnel. Mais il a tenu la baraque sur la plupart des snaps et objectivement, le front 7, c'est peut-être pas une des plus grandes forces d'Arizona, mais il est vraiment pas mal. Je veux dire, il y a quand même Buchanan, Calais Campbell, Chandler Jones. Moi je trouve qu'on tient plutôt bien pour un premier match, surtout quand on compte les absences, notamment les deux tacles titulaires plus Cooper. Enfin, on a vraiment fait un bon boulot au niveau de la ligne, je trouve, avec vraiment des pièces qu'on a récupérées à droite à gauche et sur lesquelles c'était vraiment pas évident, hein. Oui, bah, tu t'en parlais, Romain, la ligne offensive, c'était Cannon d'un côté, et on avait Tuné qui est un rookie, Andrews qui avait 6 matchs NFL, Ted Karras, qui est un rookie aussi, c'était extrêmement épiphlémique, qui n'est pas non plus un top joueur de la O-line. Donc, rendons hommage aussi au coach de la O-line qui est revenu cette saison et qui a fait un énorme travail sur cette O-line. Donc, c'est sûr, quand on va avoir les deux, trois pièces qui vont revenir blessures, ça va nous faire du bien, ça va aller encore mieux. Et puis on espère, cette défense maintenant, il faudra l'avoir aussi face à de très très forts pass rush. Parce que là, au final, il n'y avait quasiment que Chandler Jones comme vraie menace. Et puis on verra bien ce que ça va donner s'ils pourront résister. C'est, ouais. C'est aussi à ça que je voulais en venir, au retour de Dante Scarnecchia pour coacher la ligne offensive. Je pense qu'avec la ligne offensive, il faut repartir sur une page blanche cette année. Même si les joueurs sont en partie les mêmes, il faut effacer la mauvaise a priori qu'on a eu en fin de saison dernière sur eux. Là, on part avec un nouveau coach qui est carrément une légende dans son domaine. Donc, il peut peut-être tirer le meilleur de cette ligne et on peut peut-être avoir une bonne surprise de ce point de vue-là cette saison. Et puis, donc, je pense qu'il faut un peu enlever les a priori qu'on avait en fin de saison dernière. Et puis maintenant, on verra bien pour cette année. Mais c'est vrai que si on rajoute à la bonne prestation de lundi, enfin de dimanche soir, pardon, le retour des blessés, s'ils reviennent de blessure, hein, parce que leur présence sur la liste des blessés peut se prolonger jusqu'en fin de saison, si on n'a pas de chance. Donc c'est vrai qu'on a vraiment de quoi faire pour bien protéger nos quarterbacks cette année. Oui, et puis c'est vrai qu'on était restés tous sur le souvenir assez dramatique des playoffs. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le front 7 de Denver, c'est probablement un des plus beaux front 7 de l'histoire, et y compris Denver cette année, ne sera pas capable de répéter la performance étant donné qu'ils ont perdu des joueurs entre-temps. Donc, enfin, certes, on n'a pas été bon, mais on est vraiment tombé sur une défense qui avait un caractère historique. Enfin, c'était une des meilleures défenses de l'histoire, peut-être la meilleure depuis les Ravens en 2000. Donc, enfin, c'est vraiment pas rien. Donc, il faut pas dire que tout était dramatique. Certes, la ligne n'était pas bonne. Maintenant, on était aussi tombé sur une opposition au sommet de son art. Oui, c'est ça. C'est la défense de Denver la saison dernière était au niveau de la défense des Bears qui est rentrée dans l'histoire. Mais oui, donc cette toile est plutôt intéressante. Alors, on parle de l'OL, on parle aussi de sa protection au QB, mais aussi de sa capacité à créer des trous pour le running game. Et c'est là, messieurs, où je veux entendre aussi le running game des Patriots. On a eu de l'alternance, donc ce qui est plutôt bien, ce qui a soulagé aussi Jimmy. Et justement, avec ce running game de la Garrett Blunt, qui marque un TD, qui a été extrêmement puissant, son TD, où il a 5 joueurs sur le palto, et il marque tout en puissance, c'est extrêmement impressionnant. Maintenant, messieurs, qu'avez-vous pensé du running game des Patriots? Romain. Alors pour moi, c'est essentiellement du volume. Je pense notamment à Blount. 70 yards en 22 tentatives, c'est pas non plus. Enfin voilà, c'est pas non plus exceptionnel. C'est autour d'à peu près 3 yards par portée. Je trouve que Blount a quand même fait des efforts. Moi, j'ai eu l'impression, alors j'ai pas vraiment fait la comparaison, mais j'ai eu l'impression en le regardant courir qu'il avait légèrement changé son style. Et je trouve que ça lui est plutôt favorable. Il monte un peu plus les jambes, il a l'air un peu moins lourd. Alors, est-ce qu'il a perdu du poids? Je sais pas. Je trouve que son style de course est un peu meilleur et ça s'est vu sur ce match. Maintenant, c'est pas non plus, c'est pas Le'Veon Bell, quoi. Oui, c'est sûr. Après, sur ce match-là, on va dire, j'ai pas été surpris par le match qu'on a réalisé au sol. Blount, je pense qu'il est capable de faire. Enfin, je suis pas fan du joueur. Je pense qu'il est capable de nous faire peut-être un match ou deux dans la saison et puis pas plus. Mais le reste du temps, c'est surtout de la conservation. Des petits gains, donc j'ai pas été surpris par son match plus que ça, j'ai pas été impressionné non plus. J'ai envie de dire que Blount a fait du Blount en fait, donc voilà. Ouais, parce que on regarde, finalement c'est le seul qui a couru parce qu'Edelman après a eu 3 portées, Jimmy Garoppolo en a quand même eu 4 portées, mais ce qui est rare chez les Patriots aussi, il a quand même couru 12 yards, donc Jimmy, il faut aussi le doter, est un QB qui est capable de courir. C'est rare parce qu'on n'avait pas de QB avec des jambes, quoi, en fait. C'est vrai. Même si je t'avouerai que j'aime bien l'aisance de Brady quand il court. Hein. C'est quelque... Oui, il court comme ton grand-père, quoi. C'est... Ouais, c'est ça. On va dire que Garoppolo a un peu plus d'allure quand il court que Brady. Brady, on l'aime bien, c'est émouvant, mais on a peur aussi. On se dit qu'à un moment donné, il va se faire mal. Quoi. C'est sûr. On a plus l'impression qu'il va se désarticuler quand il court. Mais bon. C'est ça. C'est toujours impressionnant et... C'est toujours aussi marrant de le voir courir, ce cher Tom. Alors, on a parlé du running game, on a parlé de l'OL, on a parlé du QB, et il manquait évidemment les receveurs. Et les receveurs, je voudrais surtout vous entendre sur un homme. Alors, au-delà de la performance de Chris Hogan qui a été très efficace et assez impressionnante, moi, c'est surtout sur le rookie Malcolm Mitchell que je voulais vous entendre. Parce qu'au début, ça a été poussif, il a droppé une ou deux balles quand on l'a visé, et pour autant, on a continué à aller le chercher pour le mettre en confiance. Et il sort quand même les deux portées. Mais surtout, avec des réceptions longues, dont une de 28 yards. Alors, messieurs, est-ce que Malcolm Mitchell va être ce receveur qui va nous apporter cette distance et qui va continuer à performer une fois en confiance? Est-ce que c'est le receveur qui nous manquait? Je ne sais pas. Est-ce que... Georgia, c'est une fac que je regarde souvent. C'est un joueur que j'adore. C'est vrai que je pensais pas qu'on allait drafter de receveur cette année. Et quand je l'ai vu arriver chez nous, j'étais vraiment content. Moi, je crois vraiment à fond en lui. Et après, on sait qu'avec les pattes, faut pas vraiment faire attention aux stats ou autre. C'est un domaine, c'est un coaching assez particulier. Mais je pense que Belichick va lui laisser le temps de se développer un peu. Et enfin, je pense que ça pourrait être le meilleur rookie offensif de la saison pour nous. Moi, j'y crois. je pense que ça peut être la bonne surprise de l'année. Oui. Ouais, je suis d'accord. Bah, on en avait parlé un petit peu au podcast de la semaine dernière. Moi aussi, c'est un joueur que j'ai sans doute moins vu jouer que vous, mais que j'aime beaucoup, en tout cas, dont j'aimais beaucoup le profil, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment. Et effectivement, Cédric, t'en as bien parlé en début de match. On voyait qu'ils n'étaient pas trop sur la même longueur d'onde avec Garoppolo, que peut-être que Mitchell avait mal compris un ou deux appels de jeu. Et à l'inverse, au fur et à mesure, il est devenu de plus en plus confortable dans le système. Et dans la deuxième partie du match, ça s'est vu, puisqu'il a eu des attrapés intéressants, notamment effectivement le catch de 28 yards. Donc effectivement, on se dit que en lui laissant peut-être quelques semaines pour un peu digérer ce playbook qui même par rapport à un playbook normal de NFL est considéré comme beaucoup plus compliqué, il peut vraiment nous apporter quelque chose, notamment par sa dimension athlétique qu'on n'a pas vraiment à part lui au niveau des receveurs. J'en profite, même si on parlait pas de lui, mais j'ai aussi beaucoup aimé les débuts de Chris Hogan. Exact, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Je pense que Chris Hogan va nous faire encore du bien cette saison, qui va nous apporter encore un peu plus d'alternance au poste de receveur. Juste pour terminer, Cédric, vite fait sur Mitchell, faut croiser un peu les doigts, je pense, pour sa santé, parce qu'il a déjà eu quelques blessures à la fac. Et après, on verra un niveau pro. Hein. Ouais, si, c'était fait les croisés. Et il a eu un souci à la main, je crois, aussi, la saison dernière. Et on l'a vu aussi se blesser en pré-saison, donc on peut être chat noir, hein, mais j'espère que ça pour la saison. Donc si vous savez que si Malcolm Mitchell se blesse, ça sera de la faute de Regis parce qu'il en a parlé et qu'il sera le chat noir. Nous, on se retrouve juste après ça pour parler de la défense. On a maintenu les Cars à 21 yards. On a résisté à Larry Fitzgerald qui a pourtant fait un très bon match. David Johnson aussi qui a fait un excellent match du côté des Cardinals. Alors messieurs, on va parler de la défense des New England Patriots. Et on va parler en premier lieu de notre front 7 qui a fait encore un match solide. Ils ont mis sous pression 19 fois Carson Palmer. On a encore vu de beaux pass rush avec Chris Long, avec Jabard Sheard. Vraiment, ce sont des très bons matchs avec Valentine aussi, qui a saqué au moins une fois. Messieurs, que dire ce front 7, si ce n'est qu'il nous laisse plein d'espoir pour le reste de la saison, et avec aussi le retour des blessures, notamment de Ninkovic. Et ben, c'est quelque chose de très positif, même si, effectivement, on a eu des difficultés, notamment a résisté un peu au running game de David Johnson, mais au final, on a quand même encore été très solide. C'est vrai qu'il a été pas mal remodelé à l'intersaison, mais la bonne entrée en matière de Valentine, et puis pour son premier match en pro, et bien aidé par Chris Long à côté de lui, c'est vrai que ça nous a un peu rassurés, parce que l'attaque d'Arizona, qui était quasiment meilleure attaque l'an dernier, je crois, il n'y a pas de bonne attaque sans bonne ligne offensive. Donc c'était pas facile, je pense, pour notre front 7, mais ils ont plutôt bien assuré le coup. Et je pense que il y a matière à avoir bon résultat cette saison sur ce point-là. Ouais. Bah, pour le coup, je crois que Régis a vraiment dit l'essentiel. On avait déjà un bon front 7 l'an dernier. Je trouve qu'on a su, certes, on a perdu. On a perdu Jones, mais on a su quand même garder la plupart des joueurs qui en ont fait la force. Et voilà, là, moi je trouve qu'on tombait face à une plutôt bonne ligne. Et je trouve qu'on les a plutôt dominés. Et ça c'est assez rassurant. C'est-à-dire qu'on a réussi à les mettre sous pression. Pourtant, enfin, je veux dire, il faut dire que, entre autres, on a des joueurs en face comme Jared Veldhier, qui est un des meilleurs tackles gauche de la ligue. On a vraiment, vraiment des bons joueurs de ligne offensive et on a su mettre la pression sur cette équipe là. Moi je trouve que c'est très positif pour l'avenir. Ça veut dire que si on tombe sur des lignes offensives un tout petit peu moins fortes, on sera vraiment capable de les déranger. Je pense, bah, surtout par rapport à, on reviendra tout à l'heure, mais à celle de Miami dimanche, qui est quand même bien moins forte que celle d'Arizona. Et c'est vraiment là, sur ce match-là, qu'on pourra avoir l'efficacité de notre front seven. Il y a peut-être moyen, je pense, de vraiment les écraser et faire la différence sur ce point-là. Et mince, il faudra du coup dire autre chose. Comme ça, tu vas retrouver ce que tu vas pouvoir dire, Régis. Mais surtout, je pense que par rapport à la saison dernière, je pense que les menaces peuvent venir de n'importe où sur ce front seven par rapport à l'an dernier, où on avait que Ninkovic et Jones. Là, je pense que cette année, ça viendra d'un peu partout. Brown, qui est dans sa deuxième saison NFL, Valentine, qui montre des débuts de saison prometteurs, Jabbar Chase qui est toujours là, Ninkovic qui est toujours là, Long qui a fait un bon premier match. Vraiment, la menace pourra venir de partout, je pense, cette saison, du côté des Patriots sur le pass rush, et donc mettre la pression sur le QB adverse. Et ça, je pense que ça va faire énormément de bien à cette défense des Patriots, et énormément de bien, effectivement, après derrière, à nos defensive back. Maintenant, il faut voir face à une équipe qui joue beaucoup plus à la course, parce qu'au final, les Cardinals ont quand même pas mal joué son alternance, parce qu'il y a un David Johnson qui est capable de tout faire, donc du coup, ils ont quand même aussi joué pas mal sur la part. Oui, ils ont une équipe de receveurs qui est une des plus profondes de la ligue, puisqu'ils ont 4 ou 5 receveurs qui sont vraiment très forts. Quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se laisser, influencer par le match de David Johnson, parce que c'est le genre de running back qui est hyper difficile à contrôler. On voit bien que Le'Veon Bell ou d'autres. Donc même s'il a des grosses stats à la sortie du match, ce n'était pas forcément révélateur d'un mauvais match du front seven des Pats. Donc mais je pense qu'on a un groupe dans ce domaine-là qui est bien étoffé, bien homogène. Ou comme tu disais, la menace peut venir d'un peu tout le monde, d'un match à l'autre. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt prometteur pour la suite. Moi, l'impression que ça m'a donné, alors vous me donnerez votre avis, et là, je vais pouvoir faire le lien avec le reste de la prestation défensive. J'ai l'impression que le plan de Matt Patricia, qui est donc notre coordinateur défensif, c'était vraiment de se dire... une des forces principales d'Arizona, c'est aussi de faire des passes très longues. On sait que Arians notamment adore ça, donc on va leur enlever la passe longue et ça va être à eux de nous battre en faisant de la course et des tracés courts ou intermédiaires. Et de mon point de vue, c'est comme ça qu'on a constitué notre avance, puisqu'en fait, dans un premier temps, ils ont essayé de s'entêter à essayer de faire des passes longues. Là, ça n'a pas marché, donc on a pris un certain temps d'avance. Et justement, dans un second temps, là, ils ont réussi à... Justement, ils ont fait des petites réceptions de David Johnson, des tracés plus courts sur Larry Fitzgerald. Et là, c'est ça qui leur a permis de revenir, de justement prendre ce terrain un peu plus court et intermédiaire face à nous. Oui, non, c'est ça, pour le coup, on y reviendra tout à l'heure, un spoiler sur mon top, mais c'est vrai que le coaching staff sur ce match a été vraiment très intéressant et Patrice a vraiment bien lu l'attaque des Cardinals et effectivement je pense qu'on a su dicter notre rythme en défense et les forçant à jouer sur là où ils sont le moins bons, bien aidé par un Cassandre Palmer qui était aussi en difficulté lui-même. C'est plutôt, effectivement, c'est quelque chose de très positif. Et donc on parlait de la défense. T'en as parlé, Romain, au niveau. On parle aussi des defensive backs. Alors, effectivement, on a vu Larry Fitzgerald qui est encore très bon, qui a encore d'excellentes mains. Et donc, Butler qui a été quand même en difficulté face à Fitzgerald qui a. Alors, effectivement, c'est difficile de défendre sur lui, mais qui a quand même laissé un peu de distance sur ce receveur. Et c'est peut-être là aussi où on a peut-être été un peu moins bon. En tout cas, pour le coup, sur le cas de Butler. Parce que le reste des receveurs, on les a pas trop vus, mais Butler, effectivement, a eu un peu de mal. Donc, Régis, quel est ton avis sur la prestation de Butler? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, c'est vrai que Fitzgerald était en grande forme pour ce premier match, même s'il y a apparemment plutôt sur sa fin de carrière et les prestations, ses bonnes prestations, commencent un petit peu à décliner, mais c'est vrai que Butler, je l'ai trouvé complètement à la rue. Il a accordé, je crois que c'est 7 ou 8 passes pour 80 et quelques yards. À lui tout seul. Pour un cornerback numéro 1, c'est plutôt moyen comme premier match. Donc, ouais, c'est pas très rassurant. Et puis, après, il a pu, peut-être qu'il s'est trouvé sur un premier match et que ça ira mieux par la suite. Mais non, je pense que s'il y a un flop dans ce match-là, niveau défensif, c'est plutôt lui. Oui. Romain, t'en as pensé quoi de... Tu vas être content, je vais même faire un lien avec le podcast de la semaine dernière. Moi, en fait, cette faiblesse-là, je l'attribue en partie au fait que il y a un truc dont peut-être on n'a pas encore parlé, c'est que Fitz, il fait 1,91, 1,92, que Malcolm Butler, il fait, je crois, 1,75, 1,80. Donc, quand on rend 15 cm comme ça à un receveur comme Fitzgerald, qui en plus a des mains, vraiment d'excellentes mains, ça complique considérablement le jeu. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a peut-être allé chercher un joueur comme Eric Rowe, parce que c'est justement un DB un peu plus grand, et peut-être que l'objectif c'est justement d'en faire quelqu'un qui peut défendre sur les, entre guillemets, les grands receveurs, dans le sens les mecs un peu plus costauds, un peu plus longs, parce que là je trouve que justement cette différence de taille on l'a vraiment beaucoup senti dans le match. C'est ça, oui, bah, c'est un peu le... Ça fait partie des faiblesses des Patriots depuis quelques saisons, c'est ce problème de taille aussi au niveau des corners, où il nous manque cette taille, soit un grand effectivement corner comme tu peux le dire, qui est capable de défendre sur des grands, soit quelqu'un de plus physique, notamment de temps en temps pour malmener des receveurs. Là c'est vrai que pour un premier match, Butler a été en difficulté. De l'autre côté, Chris Hogan a fait un match correct. Logan Ryan a fait un match plutôt correct, donc on n'a pas trop à dire. Le côté des safety a fait solide. J'attends le moment où le presse va intervenir pour dire que c'est un scandale. Mais... Parce que le Ryan, il me semble qu'il a le premier touchdown de Fitzgerald est pour lui, le deuxième aussi, je crois, non ? C'est lui qui a, pour lui, je ne sais pas. Mais c'est, oui, c'est, mais c'est ce que j'ai, c'est une prestation de Logan Ryan. C'est-à-dire, c'est un match correct avec ses errances habituelles et ses TD qui sont pour lui. C'est une prestation à la Logan Ryan. C'est de toute façon, c'est à son niveau. Et potentiellement, je pense qu'il peut se faire menacer. À terre par Eric Rowe une fois qu'il sera rentré dans la rotation au niveau des corners pour justement jouer cet équilibre entre la taille et la vitesse. Après. Et par contre, il y en a un qui est sorti. Excuse-moi, c'est vas-y. Il y en a un qui est sorti du lot parmi les corners, c'est la prestation de. Enfin, c'est Justin Coleman. C'est Justin, je crois son prénom. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et personnellement, j'ai trouvé plutôt à son avantage. Donc après une saison, si tu arrives en cours de saison dernière, il y a peut-être possibilité de là aussi avoir une bonne surprise et pourquoi pas prendre une place de titulaire ou un peu plus de snap dans la rotation cette année. Oui, je pense qu'il y a largement la place. Hein. Derrière Malcolm Butler, il y a la place pour un corner à prendre une place de titulaire. Après, moi, j'en ai parlé déjà au podcast de la semaine dernière, ce que j'aimerais bien, ce qu'il aurait fallu pour que ça soit encore mieux au niveau des defensive backs, c'est la petite interception qui fait plaisir. Ouais, d'ailleurs, j'en profite sur Eric Rowe, dernier point qui me semble intéressant et qui va dans votre sens, c'est que pour le moment, d'après les informations qu'on a, il ne s'est entraîné et on ne l'a fait s'entraîner qu'au poste de corner, alors qu'on sait qu'il peut jouer corner ou safety. Donc je pense que c'est vraiment le plan de Bill de un petit peu d'aller pousser Logan Ryan. Quoi. Ouais, de toute façon, il y a la place et dans cette zone-là, il faut qu'on s'améliore. Au-delà de bien défendre, il faut aussi qu'on arrive à créer des turnovers pour des fois s'assurer des matchs un peu plus tranquilles pour qu'on puisse passer des soirées au calme et qu'on évite de se mettre des matchs sous pression à subir pendant 4 quarts-temps. Et du côté des safety, c'était plutôt une prestation correcte, telle qu'on les connaît, où là on est plutôt serein de ce côté-là. Rapidement, avant de conclure sur cette review du match des Cards, un mot sur les special teams. Qui a fait un match correct, et Gostkowski, qu'on a vu, ou qui a remporté, si vous avez écouté le début de l'émission, le trophée de la semaine de meilleur joueur de Special Team AFC. Oula, mais il a encore été, on a retrouvé Gostkowski, qu'on connaît, décisif, qui a marqué. C'est field goal. Eh bien écoutez, sur ce, nous, on passe à la preview du match de la semaine prochaine, le match face aux Dolphins. Ce dimanche à 19h, les New England Patriots reçoivent pour le premier match de la saison à domicile les Miami Dolphins. Miami Dolphins qui sort d'une défaite à Seattle 12-10. Effectivement, on peut se dire que la défense de Miami a bien tenu face au Seattle Seahawks. Après, la ligne offensive de Seattle Seahawks n'a pas encore commencé sa saison. Concernant les forces de Miami qui peuvent nous poser des problèmes, la partie receveur, notamment, et c'est là où on va voir si notre équipe de defensive back va être performant pour freiner cette équipe. Et de l'autre côté, surtout, on va attendre, Régis l'a évoqué pendant l'émission, le front seven des Patriots pour mettre à mal cette ligne offensive de Miami. Et évidemment, on espère la confirmation aussi du beau jeu apporté par Jimmy Garoppolo. Alors messieurs, que pensez-vous qu'il va y avoir sur ce match face aux Dolphins, Romain? Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Je pense que ça va être un match, en tout cas sur le papier, c'est plus facile que contre les Cards. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la ligne offensive de Miami est beaucoup plus faiblarde. Ils ont certes fait quelques modifications à l'intersaison, notamment avec l'arrivée de Laremy Tunsil. Mais je pense que cette ligne, elle est tout à fait attaquable et je pense que notre front seven peut vraiment leur poser des problèmes. Après, au niveau défensif, c'est pas du tout le même plan de jeu que contre Arizona, puisqu'Arizona aimait bien les passes longues, choses comme ça. Là, on a deux receveurs, le numéro 1 et le numéro 2, c'est-à-dire Jarvis Landry et Kenny Stills, qui ont vraiment des profils différents. Jarvis Landry, c'est plutôt un receveur de possession, c'est-à-dire sur des tracés courts et intermédiaires, alors que Kenny Stills, c'est vraiment celui qui attrape les bombes, vraiment un receveur, j'allais dire, qui va tout droit. Maintenant, ils ont quand même du mal justement avec ces problèmes de ligne et avec les problèmes de précision de Ryan Tannehill. Ils ont vraiment du mal à les trouver et je pense que justement c'est encore une équipe qui se cherche et on peut profiter de ça pour vraiment avoir une victoire pas trop compliquée si on joue à notre niveau. Oui, sachant que le dernier match qu'on a joué face aux Dolphins, c'était une défaite. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec Romain. Bon, je pense que Miami, c'est un peu du classique. C'est un peu les mêmes choses qui se répètent tous les ans. Je pense qu'il faut s'attendre à pas un gros front seven, mais plus vraiment leurs 4 joueurs ou leurs 3 joueurs de la première ligne défensive. Je pense que c'est surtout eux qui vont et puis limiter notre attaque au sol. Après, leur Baker, Bichon, même s'ils ont fait signer Kiko Alonso cet été. Donc voilà, je pense que la clé du match, c'est surtout de notre côté en fait, parce que je pense qu'on est bien supérieur à Miami. Et je pense que si on arrive vraiment à mettre la pression sur leur ligne offensive et sur leur quarterback, je pense que le match on leur a rendu vraiment plus facile et qu'on se dirigera vers une victoire, parce que ça, leur ligne offensive, c'est vraiment faible, je pense. Et même s'il faudra peut-être faire attention à Ryan Foster, qu'on verra peut-être pas forcément au sol, mais plus sur réception. Donc s'ils ont la pression, ils vont peut-être jouer un peu plus rapidement sur lui. Mais je pense que si on leur met la pression à cette attaque, je pense qu'on les verra pas du match et qu'on peut rapidement prendre les points. Après, Adam Gase est connu pour être un coach offensif et qui est capable de faire progresser ses QB. Là, l'équipe de Miami n'est pas encore dans le rythme, ne se sont pas réglés comme il y a eu beaucoup de changements. On verra bien ce que ça va donner, mais oui, il faut profiter de cette occasion pour remporter une victoire. Et puis, je pense que même la défense de Miami n'est pas assez solide comme celle peut être des Cars, donc on espère en tout cas que cette attaque des Patriots va garder le rythme et puis va encore mieux performer et qu'on va avoir un Jimmy qui va faire une bonne performance, notamment au niveau du passing game, qu'on va revoir nos différents receveurs. Et puis je pense que par contre au niveau du running game, on verra du volume. Et puis mais je pense que c'est un match de confirmation, donc il faut faire aussi attention à ça. C'est un match de confirmation. On a fait un bon match, on a une bonne victoire de prestige face aux Cards, fort des ondes sur terre, on est à domicile face à Miami, un match de division. Il va falloir aussi tout de suite rentrer dans le match et être performant dès le début. Oui, c'est ça. Et puis même si enfin, ça reste un match de division. On sait que les matchs de division, c'est toujours un peu particulier. Même quand l'écart entre les deux équipes est important sur le papier, ça reste des matchs assez disputés. Même si en général, c'est plutôt contre les Jets que les matchs se jouent à l'arraché. Mais on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et il faudra bien entamer le match pour l'emporter, je pense. Alors messieurs, avant de terminer cette émission, le pronostic de ce match. Romain, Quel va être le score? 28-14. Patriots. Je pense que ça, on devrait pas avoir de problème. Moi, c'est un peu la même chose. Je pars sur un 27-17 pour pas dire pareil. Moi, je pense un 31-14 pour les Patriots. En espérant voilà, que Jimmy, je pense, va continuer sur sa lancée et qu'on va voir nos receveurs briller sur ce match. Bah, écoutez, messieurs, moi, il m'aura à vous remercier d'avoir accepté mon invitation pour cette nouvelle émission. Il me reste à vous dire que n'hésitez pas à nous suivre sur le Facebook du Fan Club, sur le Twitter @FCFNEP. N'hésitez pas à réagir à l'émission, à chaque nouvelle des New England Patriots dans les commentaires sur Facebook, à dialoguer avec nous aussi sur Twitter. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs NFL, un bon match des Patriots. Et n'oubliez pas, le Fan Club français des New England Patriots, partout, toujours. Bonsoir! I'll patch up this cut.